Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux est une commandite de Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. L'automne est arrivé et il est déjà le temps de se préparer pour la période froide qui s'en vient. Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini vous offre une vaste gamme de pneus d'hiver dans les marques les plus prestigieuses à différents prix. Venez voir nos souffleurs à neige qui seront utiles pendant nos hivers rigoureux. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Consultez notre circulaire pour nos différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Heureux de vous retrouver en ce bulletin de sport local et régional de l'édition du 29 octobre. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional hier dans la section entrevue de danadiosport.com. On a parlé avec Charles Tremblay. Charles Tremblay de Saint-Félicien qui a joué avec les Éperviers de Normandin l'an passé et occupe le 8e rang des marqueurs dans la Légion 3A. En entrevue sur les ondes de danadiosport.com. D'abord, il a expliqué pourquoi il a quitté les Éperviers de Normandin. Je te dirais que ça se résume rapidement. Là. Dans le fond, cet été, j'étais coach de power skating pour l'école de hockey Julie Robitaille. Okay. Et puis, à un moment donné, j'étais sur la glace là, avec le staff d'entraîneur. Puis, le coach en chef, il a lancé un message aux joueurs. Il a dit, si vous êtes chanceux, vous pouvez encore jouer, vous autres. Si vous n'êtes pas rendu à l'étape de coacher comme nous. Fait que ça m'a comme allumé une petite lumière là, de dire, crime. Il me reste encore des belles années de hockey, puis pourquoi pas pousser plus loin, puis peut-être d'essayer de percer tout en gardant en tête là, l'école. Puis, okay. Que je veux que ça soit demain ma priorité. Comme. Mais, il y a deux ans, t'étais, je me rappelle, t'avais dans un deuxième temps, Charles Tremblay explique qu'il se voit quand même, peut-être dans la Ligue de hockey junior du Québec, mais ce qu'il apprécie beaucoup de la Ligue 3, c'est les études. On manque pratiquement pas de cours, selon Charles Tremblay. Oui, mais écoute, Danny, moi, ce que j'aime beaucoup de la Ligue junior 3, c'est qu'on manque aucun cours pratiquement là, pour nos matchs. Là. Le plus loin qu'on joue, c'est à 2 heures de route. On y va 2 fois dans l'année. T'sais, on fait vraiment pas beaucoup de route. Puis tout ça dans un calibre qui est quand même extrêmement compétitif, je te dirais. Fait que, tu sais, oui, dans un sens, la Ligue junior majeure du Québec, c'est sûr que c'est le fun. Mais je te dirais que dans la Ligue junior 3, je me retrouve vraiment là, dans un calibre qui m'intéresse. Puis une ligue aussi qui m'intéresse. Là. Le multiconseil Charles Tremblay donne crédit à ses compagnons de trio pour son excellent début de saison. Je dirais que non, mais c'est sûr que c'est depuis le début de la saison, là, j'ai eu la chance d'évoluer vraiment avec 2 bons joueurs sur mon trio. Ça fait en sorte là, que je te dirais en moyenne de points par match, là, on est tous les 3 dans le top 5 de la ligue. Vraiment, on est 3 gars qui s'entendent vraiment bien ensemble, autant hors glace que sur la glace. Okay. On a développé une chimie là, vraiment rapidement, comme j'ai jamais développé de chimie avec personne. Fait que c'est non, au début de l'année, je m'attendais pas à ça. Mais maintenant que je suis avec ces 2 gars-là, puis honnêtement, ça peut juste continuer de mieux en mieux à aller. Le Challenge Banque Nationale s'est achevé dimanche à Ville-Saguenay et c'est un succès sur toute la ligne, selon Caroline Delisle. Et ils ont presque obtenu l'aide qui était souhaitée par la Ville-Saguenay, explique Caroline Delisle. Donc, c'est pas confirmé à 100% là, encore, mais je veux dire, on pourrait dire 99,9%. On attend seulement là, certains petits détails, mais oui, ça semble bien aller de ce côté-là. Puis, c'est important pour nous hein, d'avoir l'appui de la ville, effectivement, autant en termes de sous que monétaires qu'au niveau des services, parce qu'on obtient beaucoup de services aussi de leur part. Donc, c'est très apprécié. Puis, je pense qu'un événement comme le nôtre, ben, quand on a l'appui de la ville, ben, c'est sûr que ça nous permet justement de pouvoir améliorer là, d'une année à l'autre là, de tout ce qu'on peut offrir aux joueuses ici en termes d'infrastructures et des services aussi. Puis, on compte aussi sur beaucoup d'autres gros commanditaires, là, commanditaires or, argent, bronze, on en a quand même plusieurs, et des partenaires, puis c'est ça qui fait que, bon, je pense qu'on a du succès, puis c'est bien apprécié là, des joueuses et de Tennis Canada aussi, là, parce qu'on reçoit toujours un bulletin hein, à la fin. Puis... Dans un deuxième temps, Caroline Delisle explique que les succès de Bianca Andreescu ont un lien avec la popularité grandissante du Challenge Banque Nationale. Ah ben oui, oui, on a eu beaucoup de monde, on est vraiment content de ça. Ben oui, un petit peu plus là, cette année plus que l'année dernière. Là, je pense qu'effectivement tous les succès que Bianca a connus là, au cours des dernières semaines, derniers mois, ben ça nous aide hein, autant là, au niveau des inscriptions que l'intérêt là, que les gens ont pour le tennis, puis que ce soit pour jouer ou pour regarder là, parce que effectivement on a eu quand même plus de spectateurs. Ça a été pas mal plein, là, je vous dirais, là, presque à chaque jour, là, bon, peut-être pas le jour, évidemment. Le jour, on avait des écoles, beaucoup, et des retraités, hein, parce que les gens travaillent, mais c'est sûr que le soir, on a eu rempli presque tout le temps, puis on avait vraiment droit à du beau tennis, là, du beau jeu. Fait que ça aussi, hein, ça c'est bon pour nous, parce que quand les gens voient des bons matchs, ben ils sont plus portés à vouloir revenir. Fait que je dirais que le calibre de jeu était quand même très relevé. Puis bon, c'est certain qu'on pense là, que c'est une de nos meilleures années là, en termes de du nombre de spectateurs. Parlons de hockey maintenant, parlons des Aigles de Roberval qui ont joué trois matchs, ben les équipes qui ont joué trois matchs, en fait, des Aigles de Roberval au cours du week-end. D'abord, au niveau Benjamin, Division 1, les Aigles de Roberval qui jouaient contre la formation de l'école secondaire de Lévis, c'était une défaite des Aigles par la marque de 3-2. Au niveau maintenant du côté du cadet Division 2, les Aigles de Roberval, cette fois, l'ont emporté 7-2 sur l'école secondaire Champlain. Et au niveau maintenant du côté du Juvénile Division 2, les Aigles qui ont perdu contre la formation de la polyvalente Saint-Georges par la marque de 4-2. Les Aigles de Roberval qui ont fait connaître les joueurs académiques du mois d'octobre dans l'équipe. Donc, il s'agit d'abord de Calvin Lee Boivin, Vincent Muckle ainsi que Samuel Duchesne. Également, ben, la Ligue du Lac-au-Fleuve a fait connaître les joueurs de la semaine dans la Ligue. Donc, il s'agit d'abord de Pierre-Luc Laprise qui est la première étoile. Pierre-Luc Laprise qui a marqué 2 buts. Michael Drolet de la formation des constructions de l'avenir est la deuxième étoile avec une fiche de 1 but, 1 passe pour 2 points. Et Antoine Desnoyers est la troisième étoile avec une fiche de 1 but, 1 passe pour 2 points. Et la Ligue de hockey junior du Québec qui a dévoilé les étoiles de la semaine. Et Alexis Schenk des Saguenay de Chicoutimi est le gardien de but de la semaine avec une fiche de 2 victoires, 1 défaite. Une moyenne de 1,50 et un pourcentage d'arrêt de 946. Je vous invite à écouter la section entrevue de danadiosport.com. Hier, on a parlé d'abord avec Charles Tremblay qui fait le parfait bonheur avec le Collège français de Longueuil dans la Légion 3. On s'est également entretenu avec Caroline Delisle qui fait le bilan du Challenge Banque nationale et une entrevue qu'on a réalisée la semaine dernière avec Léa Ali Fernandez qui nous parle évidemment de sa carrière, probablement une des futures grandes vedettes du tennis canadien. Sport local et régional à danadiosport.com. On s'en occupe.